Une cuillère pleine de miel qui fond comme le soleil et m'emporte au-delà de la lune. Bien, c'est bien de rêver, mais tout ce que j'ai ne sont que des miettes. Allez compter, cela fait un peu à peine quand il ouvre la porte. Deux.